pendant que le comte s'en va chercher un outil pour forcer la porte du cabinet de toilette, Suzanne remplace Chérubin dans ce cabinet et Chérubin saute par la fenêtre qui donne sur un jardin. Quand le comte revient avec une pince, la comtesse lui avoue que c'est Chérubin qui est dans le cabinet de toilette et elle en donne la clé au comte. Celui-ci ouvre et trouve Suzanne. Il ne sait que penser. Sa femme a-t-elle vraiment voulu, par son faux aveu, le punir de sa jalousie? Mais la comtesse ne paraît pas moins stupéfaite que lui.